vérité agit déjà. Il faut que seulement celui qui le retienne encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Alléluia. Oh Dieu, merci. Alléluia. Montrez-nous le Père. Montrez-nous le Père. Le Père. Le Père. Le Père. Montrez-nous le Père. Père. Montrez-nous le Père. Montre-moi le Père. Montre-moi le Père. Le Père. Fini les discours vains. Nous voulons écouter le Père. Car de lui nous pouvons avoir tout ce que nous avons besoin. Alléluia. Yes. Philippe demanda à Jésus, montrez-nous le Père. Pour que notre joie soit parfaite, et cela nous suffit. Écoutez la réponse de Jésus, c'est lui qui m'a vu, a vu aussi mon Père, et cela lui suffit. Montrez-nous, c'est lui qui est mort pour nous. Sur la croix, moi je veux voir Jésus. L'église de la Odyssée, dans l'obscurité, à la recherche du Père, erré ça et là. Mais qui peut nous montrer le Père à ce temps de la fin, pour éclairer cette dernière longtemps désespérée. Ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables selon leurs propres désirs. Ouais, si nous, nous avons le Père, nous, avons le nous Père, pouvons chanter gloire à Dieu. Nous pouvons chanter gloire à Dieu. Et dire Alléluia. Et dire Alléluia. Notre joie est viendra. Il n'agira pas à dehors, mais au sein de l'église. Comment saurions-nous que celui-ci est de l'antichrist, si nous ne sommes pas illuminés et très bien enseignés? Oh, alléluia. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alléluia. Montrez-nous le Père. Montrez-nous. Que cela nous suffit. Montrez-nous le Père. Montrez-nous le Père. Montrez-nous le Père. Montrez-nous que le Père. Alléluia. Qui peut nous parler du Père si ce n'est celui tout droit du conseil de notre Père Saint? C'est lui qui se revêtra du fardeau qu'avait Némi quand le muraille de Jérusalem était de couleur. Oh, oh, oh. Si nous avons le Père, nous pouvons chanter gloire à Dieu. Prier les bouts, prier en malata. Viens Jésus, avoir non plus les richesses, car ce ne sont que les conséquences de celui qui a trouvé le père. Esther a compris ces choses, elle a choisi les rois, sachant qu'en ayant le roi, elle aura tout ce qu'elle voudra. Yeah. Oh yeah. Et se tourneront vers le phare. Ils se feront une foule de docteurs, croyant avoir la vie dans les Écritures. Alléluia.